comme il a l'air d'un publicain flagorneur, je le hais parce qu'il est chrétien, mais surtout parce que dans sa simplicité vile, il prête de l'argent gratis et fait baisser le taux de l'usure ici, parmi nous, à Venise. Si jamais je le tiens à ma poigne, j'assouvirai la vieille rancune que je lui garde. Il hait notre sainte nation, il clabaude dans l'endroit même où se réunissent les marchands, contre moi, contre mes opérations, contre mes légitimes profits, qu'il appelle intérêt. Maudite soit ma tribu, si je lui pardonne. Bassagne parle en haut à Shylock, qui paraît absorbé. « Shylock, entendez-vous ? » « Shylock, je calcule ce que j'ai en réserve, et, d'après une évaluation faite de mémoire, je ne puis immédiatement réunir le capital entier de ces 3000 ducats. N'importe. Toubal, un riche hébreu de ma tribu, me fournira ce qu'il faut. Mais, doucement, combien de mois demandez-vous ? » « Antonio, le bonheur vous garde, bon seigneur. Le nom de votre honneur était justement sur nos lèvres. » « Shylock, bien que je n'ai pas l'usage de prêter ni d'emprunter à intérêt, cependant, pour subvenir aux besoins urgents de mon ami, je romprai une habitude. » « Bassagno, sait-il déjà combien vous voudriez ?»« Oui, 3000 ducats. »« Et pour 3 mois ?»« J'avais oublié. 3 mois, m'avez-vous dit ?»« Et puis, votre contrat ?»« Ah, ça, voyons. » Ben, écoutez, vous avez dit, ce me semble, que vous ne prêtiez ni n'empruntiez à intérêt. Je ne le fais jamais. 3000 ducats, c'est une somme bien ronde. 3 mois de 12, voyons, quel sera le taux. Eh bien, Shylock, serons-nous vous obligés? Signor Antonio, maintes et maintes fois sur le Rialto, vous avez honni à propos de mon argent et de mes usures. Je l'ai supporté patiemment, en haussant les épaules, car la souffrance est l'insigne de toute notre tribu. Vous m'appelez mécréant, chien, coupe-jarret, et vous crachez sur mon gabon juif, et cela parce que j'use de ce qui m'appartient. Eh bien, il apparaît qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mon aide. En avant, donc. Vous venez à moi et vous me dites, Shylock, nous voudrions de l'argent. Vous dites cela, vous qui vidiez votre bave sur ma barbe et qui me repoussiez du pied comme vous chassez un limier étranger de votre seuil. Vous sollicitez de l'argent. Que devrais-je dire ? Ne devrais-je pas vous dire, est-ce qu'un chien a de l'argent? Est-il possible qu'un limier puisse prêter 3000 ducats? Ou bien dois-je m'incliner profondément et d'un ton servile, retenant mon haleine dans un murmure d'humilité, vous dire, mon bon monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier. Vous m'avez chassé du pied tel jour. Une autre fois, vous m'avez appelé chien. Pour toutes ces courtoisies, je vais vous prêter tant d'argent. Je suis bien capable de t'appeler encore de même, de cracher sur toi encore, de te chasser du pied encore. Si tu prêtes cet argent, ne le prête pas comme à un ami. L'amitié a-t-elle jamais tiré profit du stérile métal confié à un ami? Non, considère plutôt ce prêt comme fait à ton ennemi. S'il manque à l'engagement, tu auras meilleure figure à exiger contre lui la pénalité. Ah, voyez comme vous vous emportez. Je voudrais me réconcilier avec vous, avoir votre affection. Oubliez les affronts dont vous m'avez souillé, subvenir à vos besoins présents, sans prêter un denier d'intérêt pour mon argent, et vous ne voulez pas m'entendre. Mon offre est bienveillante pourtant. Ce sera la bienveillance même. Cette bienveillance, je veux vous la montrer. Venez avec moi chez un notaire. Signez-moi là un simple contrat. Et pour manière de plaisanterie, si vous ne me remboursez pas tel jour en tel endroit, la somme ou les sommes énoncées dans l'acte, qu'il soit stipulé que vous perdrez 1 livre pesant de votre belle chair, laquelle sera coupée et prise dans telle partie de votre corps qui me plaira. Ma foi, j'y consens, je signerai ce contrat et je dirai que le juif fait preuve de grande bienveillance. Bassagne, vous ne signerez pas un pareil billet pour moi. J'aime mieux rester dans ma nécessité. Alors, ami, ne crains rien, je n'encours pas cette perte. Dans 2 mois, c'est-à-dire 1 mois avant l'échéance, je compte qu'il me rentrera 9 fois la valeur de ce contrat. Ô père Abraham, ce sont bien là les chrétiens. La dureté de leur procédé leur apprend à suspecter les intentions des autres. Bassagne, répondez-moi, je vous en prie. S'il manque à l'échéance, que gagnerais-je à exiger le dédit? 1 livre de chair ôtée d'un homme n'est pas aussi estimable ni aussi profitable qu'une livre de chair de mouton, de bœuf ou de chèvre. Je le répète, c'est pour acheter ses bonnes grâces que je lui offre ce service. S'il accepte, soit. Sinon, adieu. Mais, de grâce, ne m'outragez pas jusque dans ma bonté. Oui, Shylock, je signerai ton contrat. Allez donc sur le champ, ma tante chez le notaire. Faites-lui rédiger ce plaisant contrat. Moi, je vais tout droit chercher les ducats, donner un coup d'œil à mon logis, laissé à la garde périlleuse d'un valet négligent. Et aussitôt, je suis à vous.